La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. On va parler de football avec notre ami Shane Gauthier. On sait que le camp d'entraînement des Bombers de Winnipeg va commencer très, très prochainement. Savoir comment il a vécu son année estivale. Comment il a vécu aussi. C'est pas mal le fun qu'un deuxième gars de Dolbeau Sissigny a été repêché. Son collègue avec les Patriots de Dolbeau, c'était Alexandre Gagnon. Salut Shane! Shane, comment... D'abord, le camp d'entraînement va commencer, j'imagine, dans quoi, deux semaines? Quelle sorte d'hiver est-ce que tu t'es bien préparé en vue de la prochaine saison? En fait, le camp commence dimanche qui s'en vient. OK. Ouais, puis dans le fond, j'ai passé... je me suis entraîné à Montréal avec un entraîneur que j'ai engagé, qui me prépare pour... arriver en forme cette saison. Puis ça a super bien été tout le monde vers là-bas. Là. Puis je pense que je suis prêt pour faire face au camp. OK. Shane, quelle sorte d'entraînement? Tu dis j'ai engagé quelqu'un. Ça veut dire que sur quoi que ton entraîneur que tu as engagé a axé pour vraiment pousser ton entraînement? Là? En fait, rendu à l'heure, ce que je suis là, c'est plus prévention de blessure, être en mesure de faire face au camp qui s'en vient, qui c'est 21 jours assez intensif. Puis c'est d'être en mesure de garder ton corps en bonne santé, puis de pas avoir de courbatures avant d'entamer le camp. Puis, je pense qu'il a bien fait ça, puis je me sens super bien. Je pense que je suis prêt à faire face aux exigences. OK. J'imagine que tu es beaucoup mieux préparé que l'an dernier, parce que je me trompe, mais ton poste n'est pas encore assuré avec les Bombers. Donc, encore une fois, c'est un camp important pour toi cette année. Là. Oh, oui, c'est certain. À chaque année, c'est une nouvelle année. Tu n'es jamais sûr de. Tu n'as pas de poste assuré, rien. Mais là, j'ai déjà vécu un petit peu comment ça se passe, le camp. Puis, non, ma préparation n'était pas comme l'année dernière, parce que. L'année dernière, tu prépares plus pour des tests physiques pour faire face au combine puis de te faire repêcher. OK. Mais la situation est différente. Là, je sais déjà, je sais où je m'en vais. Je ne suis plus une recrue à Winnipeg. Je sais où m'aligner. Je connais la ville. Je connais le personnel d'entraîneur. Fait que j'arrive là en confiance. Je pense que je vais être capable de prouver ce que je suis capable de faire. Ton corps est-tu mieux? C'est sûr qu'une blessure, ça reste une blessure, mais ton corps est-tu mieux préparé en fonction des blessures, justement? L'an passé, c'est pas toujours de ta faute, là, mais j'imagine que ça va aider aussi. Oui, c'est certain. C'est pour ça aussi que je me suis engagé quelqu'un qui est un spécialiste un petit peu là-dedans. Prévention de blessures, toute la posture du corps, puis ça, je pense que ça va être bénéfique. Là. OK. Si on parlait maintenant de la situation des Bombers, c'est une équipe quand même qui a montré des belles signes de progression cette année. Est-ce qu'on t'a parlé de ton utilisation qu'il va avoir avec les Bombers? C'est sûr qu'une unité spéciale, normalement, tu devrais être de retour à ce niveau-là, mais est-ce qu'on pense que vraiment que tu vas peut-être avoir plus de jeux à ta position naturelle? On ne sait rien à ce moment-ci. Je pense que le ratio de l'équipe canadien américain n'a pas changé de l'année passée. Ça, c'est pas vraiment nous qui le contrôle là-dessus. Ouais. Mais c'est certain qu'au camp, ça va compétitionner pour gagner des postes. Mais non, je pense être en mesure de garder mon poste sur les outils spéciales. Puis je vais faire si bon mal. Je vais compétitionner pour atteindre mon poste. En défensive, mais je vais être content avec ce qu'ils vont me donner à la fin de la fin. Là. OK. Puis, y a-tu un athlète qui est des Bombers qui a été repêché lors du dernier repêchage, parce que c'est important, un joueur canadien au football canadien, là, qui pourrait être vraiment un prétendant à ton poste? Y a-t-il quelqu'un vraiment là, que tu vois? Ouais. Au dernier repêchage, on n'a pas recruté de secondaire. Parce okay. Il y en avait déjà signé. Il y en avait déjà beaucoup de signés déjà avant le repêchage. Ils ont signé beaucoup de les joueurs de ligne défensive puis des receveurs. Mm. Alors non, à mon poste à moi, c'est pas mal tous des gars que j'ai déjà côtoyés. Précédemment. OK. Hey Shane, je peux pas m'empêcher de parler de ce qui c'est d'un autre gars de Dolbeau Mississini qui a été repêché dernièrement. Lui, c'est peut-être plus un projet comparativement à toi, là, mais c'est quand même une belle fierté. Alexandre Gagnon, vous avez joué ensemble avec les Patriotes de Dolbeau, Richard Belleau m'en parlait. Cette année-là, là, il y avait vraiment des athlètes extraordinaires qui auraient pu jouer. Là. Alex Labbé aussi, moi, m'a dit que c'était un gars qui aurait pu aller très loin, ça n'aurait pas été de l'école. Toby Emmerlemieux, je pense qu'il était là aussi. Donc, cette année-là, les Patriotes, quand vous avez joué contre Labbé, il y avait vraiment du potentiel. Là, pour qu'un deuxième gars s'est repêché en deux ans, normalement, ça arrive une fois à tous les 25 ans. Oui, c'est certain. Ça a été des grosses années dans ces années-là. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'il y aurait eu d'autres joueurs qui auraient eu la chance peut-être de se prouver et d'aller plus loin. Malheureusement, pour certaines raisons, il y en a que c'est l'école, il y en a que c'est des raisons personnelles qui n'ont pas continué. Mais on avait eu des bons coachs à ça là qui nous ont enseigné des bonnes valeurs et des bonnes méthodes de travail. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui nous a permis de nous rendre où on est rendu là. De ce que tu connais d'Alexandre, tu connais bien, c'est sûr que tu l'as affronté au niveau universitaire également. Penses-tu qu'il a le potentiel pour jouer dans les Canadiens de football? Tu as joué, tu sais de quoi tu as... En fait, je suis content qu'il ait été repêché, mais je ne sais pas de quelle façon qu'ils veulent l'utiliser. Okay. Moi, j'ai entendu parler peut-être à travers les lignes qu'il pourrait peut-être comme un tight end. Non, ça va être... Non, finalement, ça va être... OK. Ouais, il va rester à sa position. J'ai pas eu l'occasion de vraiment d'y parler encore. Je l'ai pas croisé. Aussi, il y a beaucoup de préparation à faire pour son premier camp. Là. C'est tout le temps une phase stressante. Arriver là-bas, puis tout du nouveau un petit peu. Mais non, j'ai confiance qu'il va travailler fort. Puis si jamais ça ne fait pas, il reste une autre dernière année universitaire. Ouais. Je pense qu'il va pouvoir lui être super bénéfique s'il va la jouer. Mais je pense que j'y souhaite la meilleure des chances. Puis j'y souhaite de faire l'équipe, c'est ça. Il y a un physique intéressant, en tout cas, 6 pieds 7, 6 pieds 8 pour jouer dans les Canadiens. Il reste peut-être juste à mettre de la charpente sur cette physique-là, mais c'est intéressant pour une équipe à développer. C'est un beau projet à développer. Oui, c'est certain. C'est certain. Mais je pense que c'est pour ça qu'il était quand même repêché à la 6e ronde. Je pense que c'est une belle marque de confiance de l'équipe qui l'a repêché. Ouais. Shane, on va te suivre de très très près. Je vais avoir des espions à Winnipeg comme l'année passée. Il y a des gens de Radio-Canada j'ai demandé aux gens de Radio-Canada de te suivre. Ils vont me parler encore cette année. Puis au plaisir de se parler durant le camp d'entraînement puis durant la saison. Parfait. Shane Gauthier de Dolbeau-Mississini qui attend sa deuxième année avec les Bombers de Winnipeg.